On va parler de Hill Cross. C'est quoi Hill Cross? J'ai aucune idée. Quoi qu'il en soit, mon invité va nous en parler parce qu'il y a une grosse activité qui va se passer avec en fin de semaine à Saint-Félicien. On va parler avec le responsable Frédéric Gagné, c'est bien ça? Salut Frédéric. Oui, c'est bien ça, Dani. Fred, d'abord, si on parlait un peu de cette compétition-là, Hill Cross, c'est quoi ça? Ça marche en hiver? J'ai aucune idée c'est quoi. Tu vas me l'expliquer parce que j'ai vu sur les publicités, ça ressemble à des motoneiges, c'est ça? Oui, c'est en plein ça. Nous, on organise des compétitions dans les centres de ski. Compétition de motoneige, OK? C'est quatre motoneiges qui sont au départ en même temps. Le premier rendu en haut de la pente gagne la course. Hey, c'est assez La course se spectaculaire, fait ça. seulement en montant, oui. C'est ça. On dessine un parcours. Ensuite de ça, on prend des dameuses. On fait des sauts, quelques sauts. On balise la piste aussi. Tu sais, c'est pas en ligne droite. C'est vraiment une course à suivre, là. C'est un parcours à suivre. Ça, c'est le 1er avril. Pourquoi vous n'avez pas fait ça le 1er février? Il me semble que le 1er avril, la saison achève. Est-ce que c'est l'idéal ou c'est vraiment tard pour faire ça, là? Non, c'est super parce que je pense que c'est la dernière fin de semaine du Toboski. Fait que donc, c'est moins de travail pour nous parce qu'après, on n'a pas besoin de tout redamer les pistes parce que c'est vraiment leur dernière fin de semaine de ski. Donc, c'est moins compliqué qu'en plein hiver. Parce qu'en plein hiver, on fait le parcours, mais tout de suite après les courses, ben il faut remettre ça à l'état initial, des pentes. Donc, ce que ça veut dire, puis là, c'est-tu un championnat? C'est quoi? Oui, depuis 2 ans, on est rendu avec. L'an passé, on avait 3 courses. Cette année, on a une quatrième. On a une Qui est? quatrième course avec un système de pointage. Qui elle, ben, cette année, on a rajouté le Mont-Lac-Vert qui est déjà passé. Je crois que c'était le 25 janvier. Puis ensuite de ça, on a eu le Mont-Bélu, qui est une nouvelle montagne aussi qu'on est allé. On a fait ça le 25 janvier. Le 25 février, excuse-moi. Fait que ça, c'est. Puis là, il nous reste le Toboski, qui est en fin de semaine le 1er avril. Puis la finale va se dérouler au Mont-Édouard le 22 avril, à Lens-Saint-Jean. Puis ça, c'est-tu un circuit qui est en expansion? C'est quoi en fait? Ah oh oui, Année ça fait après année, vous depuis avez 2 ans, je dit dirais. ouais, c'est ça? Ah oh oui, on a des compétiteurs de plus, là. D'année en année, ils s'en rajoutent toujours. On a même quelques Américains qui sont descendus l'an passé au Mont-Édouard, sont venus au Mont-Bélu et ils devraient être présents pour la finale à Lens-Saint-Jean. Je suis vraiment pas sûr s'ils vont descendre au Toboski, mais en tout cas, c'est rien de certain. On a beaucoup de gens de l'extérieur aussi. On a des coureurs de partout au Québec. Le calibre commence à être très fort. Mais ceux qui veulent venir essayer ça, c'est pour tout le monde, là. Je te dirais que on accepte les gens de 16 à 76 ans, si on veut, là. Il y a pas de limite d'âge. Il y a juste que ça prend 16 ans avec l'autorisation des parents puis un permis de conduire. Où que t'as vu ça? C'est-tu toi qui as fondé ça au sein du lac Saint-Jean? C'est où que t'as Oui, connu au ça? Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est moi qui ai fondé ça. Ça va faire déjà 6 ans. On a commencé ça au Mont-Édouard en 2012. Fait que donc, on a roulé notre bosse, c'est déjà notre 6e année. Fait que là, on commence à avoir un circuit assez sérieux, là. Les parcours sont vraiment géniaux, puis c'est très spectaculaire comme course. Ça ressemble à du snowcross, mais c'est vraiment plus des machines de montagne. Je dirais qu'on a 90% de nos compétiteurs qui ont des machines de montagne. Est-ce que si on y allait maintenant avec les gens, tu me l'as dit, on a parlé des machines justement. C'est-tu des machines puissantes? Oui, Ça prend quoi en fait? on a différentes classes. On a du 600 stock, 600 open. On a du 800 stock. On a de l'open, la classe open, que ça, c'est la classe. Les gens prennent n'importe quel CC, la plus grosse machine, le gars, qu'on peut penser, ben, on peut, ils peuvent prendre cette machine-là pour courir dans l'open. Si on y allait maintenant Puis on a avec une nouvelle moi. classe, excuse-moi, on a une nouvelle classe aussi depuis 2 ans, la classe Snowbike. C'est des motocross convertis pour l'hiver, avec une chenille et un patin. Fait que ça, on a vraiment une classe Snowbike. aussi. OK. Y a-t-il des pistes comme le Toboski à Saint-Félicien? C'est-tu une piste plus dangereuse ou plus difficile que d'autres ou ça se compare pas mal tout? Ça se compare quand même. C'est quand même sécuritaire, là. OK. On s'organise pour faire nos circuits assez sécuritaires. T'sais, on veut pas qu'il y ait trop d'accidents non plus. Ça reste un sport extrême, mais ça se déroule en toute sécurité, là. On a des secouristes sur place. On a beaucoup de gens en arrière de ça, là. Il y a de l'animation le jour, service de bar, restauration. On invite les gens en grand nombre. Ceux qui n'ont jamais vu ça, là, ils vont devenir des mordus de Hillcross, là. Donc, j'imagine que c'est un circuit. Il y a des compétiteurs qui sont plus forts que d'autres. C'est qui domine dans votre circuit, là? Les personnes qui dominent dans le circuit, là, je dirais que Raphaël Boily, je pense qu'il est dans le 800, je pense que c'est le premier au classement. Là, je ne les ai pas par cœur, là, mais les petits Boily dominent, Marco Hood, Carl Lavergne, les gens de Shawinigan est dans le premier aussi. Là, il faudrait que je vérifie mon pointage, mais c'est ça. On a du très gros calibre en région, mais là, les gens de l'extérieur s'en viennent aussi, là. Ah ouais, OK. C'est quoi les projets? Est-ce qu'il y a d'autres projets? Parce que moi, je pense entre autres à Domiski de Tolboum-Sesnik qui pourrait être intéressante. Est-ce qu'on a des projets d'expansion? D'expansion, oui, on n'est pas fermé. C'est ça, on n'est pas fermé. Là, on travaille déjà avec quatre montagnes, mais on ne sait jamais pour le futur, là. T'sais, on n'est vraiment pas fermé à ça, là. On a des demandes un petit peu. Là, c'est les stations, autant qu'au début, c'était difficile de vendre le projet, que là, c'est les stations de ski qui nous contactent pour qu'on ait on affaire un Hillcross chez eux. Parce que ça attire beaucoup de gens, là. Les deux premiers événements qu'on a eus cet hiver, on a frôlé le 2000 personnes pour chaque événement, 2000 spectateurs. Puis Oui, parce que vous autres, vous arrivez avec votre gang, puis ça prend-tu un minimum de la grosseur? Parce que ou encore un centre qui est moyennement respectable se qualifie pour obtenir une compétition d'Hillcross. Oui, c'est ça. On n'a pas vraiment de grosseur en particulier. Les pistes ont entre un demi-kilomètre et un kilomètre, tout dépendant de la montagne. Mais il y a des fois qu'on peut redescendre. T'sais, on peut monter, redescendre, aller prendre une autre pente à côté pour rallonger le parcours. Un peu comme on fait au Toboski. On ne prend pas seulement qu'une seule côte. T'sais. On prend plusieurs pistes. Là. OK. Ben, en fin de semaine, vous attendez à combien de monde? Ben, en fin de semaine, on aimerait bien ça égaliser nos deux événements précédents, là. On aimerait bien attirer un 1500-2000 aussi. OK. Donc, ça va être intéressant. Bon, Puis la température, je ouais, pense c'est ça. qu'à l'heure actuelle, là, c'est vraiment génial, là. Je pense que c'est 5 degrés soleil. On va avoir tout en notre faveur. Bon, ben, c'est bravo. Puis les activités vont commencer samedi matin vers 10 h, c'est ça? Oui, samedi matin, les pratiques commencent. Pour ceux qui aimeraient s'inscrire, ben, il y a beaucoup d'informations sur la page Hillcross. On prend les inscriptions de 8h30, de 8 h à 9 h 30. Pratique débute à 10 h. Les courses commencent à 11 h. OK. Ben, on s'en reparle peut-être un autre tantôt. Et félicitations pour cette initiative. Donc, une première Autoboski de Saint-Félicien. Bon, ben merci beaucoup, puis j'invite tout le monde à venir voir ça, c'est à ne pas manquer. Oui. François Gagné, le promoteur de Frédéric. Frédéric Gagné, le Frédéric. promoteur de Hillcross.